Composé avec l'incertitude, c'est l'enregistrement qui est fait en date du 6 août de l'année 2023. Donc, le sujet est en relation avec mon vécu. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie dans les derniers jours? En fait, lors de cet été, j'en ai profité pour prendre des vacances, relaxer. J'ai d'ailleurs pris une pause là, de mes activités de diffusion web. Et puis, j'ai fait un petit voyage familial en compagnie de ma mère, ma fille, ensuite également là, de ma compagne, une des amies de ma mère. Et puis, ce qui est arrivé de particulier, c'est que le jour où, dans le fond, nous sommes partis en voyage, donc c'est un voyage de quelques heures. On est parti de la ville de Québec pour se rendre à Sainte-Luce, qui est une ville à 20 minutes à l'est de Rimouski. Donc, quand que je dis à l'est, c'est dans le fond en se dirigeant vers Matane et pour aller à la plage. Parce qu'il y a une plage que ça s'appelle Lance au Coq. On a été voir des photos là, sur le web et bon, on trouvait ça super beau. Donc, on a décidé d'aller là, aller se baigner dans l'eau. Et le jour même, alors qu'on était en auto en direction de Sainte-Luce, eh bien, ma mère reçoit un téléphone par rapport à l'état de santé de ma grand-mère qui était âgée de 99 ans. En fait, elle est atteinte pour une troisième fois du fameux virus qu'on entend parler dans les médias là, depuis l'année 2020. Vous savez, ce virus qui a amené des confinements multiples un peu partout dans le monde, bon, ben, elle l'a attrapé une troisième fois alors qu'elle est en résidence de personnes âgées. Ça faisait quelques jours qu'elle était malade, mais la particularité, c'est qu'en lien avec son état de santé, il y a une infirmière qui contacte ma mère au téléphone alors qu'on est en voiture, on est en direction de Sainte-Luce pour lui dire qu'il faut qu'elle soit hospitalisée par rapport à son état de santé. Et puis, bon, ma mère accepte naturellement qu'elle soit hospitalisée. Et là, par la suite, ça a amené ma mère à réfléchir par rapport à l'état de santé de ma grand-mère. Et dans le fond, par rapport à ça, il n'y avait pas urgence qu'on retourne à Québec où est hospitalisée ma mère, mais ma grand-mère, pardon, mais ma mère, ça l'a amené à réfléchir. Et puis, dans le fond, par rapport à ça, ben, j'ai ramené ma mère au fait qu'on était en train de voyager et qu'on retourne ou non à Québec. Il n'y avait pas urgence au moment où on a eu cet appel. Et dans le fond, j'ai amené à apprécier, à dire, ben, apprécions le voyage. Parce que là, présentement, elle va être à l'hôpital, elle va recevoir des traitements. Donc, on n'a pas nécessairement à agir concrètement. Et là, je voyais ma mère qui vivait du stress. Et puis, bon, c'est sûr que rendu à 99 ans, ma grand-mère étant atteint du cancer du poumon. En fait, ce que je suspecte, c'est parce qu'elle vivait avec mon grand-père, qui était un fumeur pendant plusieurs années de son vivant. Lui fumait à l'intérieur, elle a été exposée aux fumées secondaires. C'est peut-être un des facteurs qui l'a amené à développer son cancer du poumon, donc à progression lente. Et puis, dans le fond, là, c'est ça, elle est atteinte d'une infection pulmonaire là, par rapport au virus, puis elle a le cancer du poumon. Mais c'est sûr que, dans le fond, composé avec l'incertitude qui est du sujet de l'enregistrement, c'est que dans la vie, on ne contrôle pas tout. On peut agir à un certain niveau sur certaines choses. Mais des fois, il y a des concours de circonstances qui font en sorte que soit on profite d'un voyage, même si on est dans une situation qui peut être tendue sur le plan familial, parce qu'on apprend qu'elle est hospitalisée, donc son état de santé n'est pas bon. Mais en même temps, de réfléchir à son état de santé, outre la bénir à distance ou de prier pour elle, il n'y a pas vraiment d'autre chose à faire. Donc, c'est sûr qu'en tant qu'individu, je peux, dans le fond, bénir pour qu'elle vive aussi longtemps qu'elle le veut. Pour supporter sa volonté de vivre, parce que aux dernières nouvelles, elle voulait vivre, donc passer à travers ce virus, comme elle l'a déjà fait deux fois dans le passé. Donc, je peux bénir ça. S'il y a des gens qui m'écoutent, qui s'intéressent, vous pouvez bénir à ma suite pour favoriser la santé de ma grand-mère. Bénir, c'est investir d'énergie, investir de conscience, quelque chose, et ça part du principe que tout est interrelié. Nous ne sommes pas séparés des autres, des individus, des événements. Le passé n'est pas séparé du présent ou même du futur. Ça, c'est au niveau du temps, puis même chose pour rapport à l'espace. En réalité, j'ai une conception unitaire du monde. Et le temps vécu sur le plan psychologique, l'espace vécu sur le plan psychologique sont des réalités relatives, mais dans l'absolu, il n'y a une seule chose qui réside dans un présent éternel. Et l'unité temporelle est au-delà du temps vécu de manière psychologique, puis l'unité aussi en termes de réalité entre le plan physique, éthérique et les multiples dimensions est en relation avec certaines constatations faites par, entre autres, la physique quantique, l'intrication quantique de deux particules que même si sont séparées, ils vont interagir pareil ensemble. Donc, ils demeurent interreliés pareil. Donc, le principe derrière mes propos, c'est que nous sommes tous interreliés. Et le point que je voulais faire, c'est pourquoi parler de ce sujet-là présentement. C'est qu'à quelque part, on est lié avec des gens à distance. On peut tout simplement visualiser qu'ils soient faits pour le mieux, mais il ne sert à rien de vivre du stress, de l'anxiété, de la peur. Mais pendant le voyage, j'ai observé ma mère, puis dans le fond, j'ai eu beaucoup de propos pour elle, pour lui dire, profite du voyage. On était à Rimouski, on était à Sainte-Luce, ensuite on était à Rivière-du-Loup. On s'est déplacé à plusieurs endroits, la journée était splendide, ensoleillée. Mais je sentais qu'elle était préoccupée par ma grand-mère. Et tout excès de réflexion par rapport à une situation sur laquelle on n'a pas à agir directement, c'est une perte de temps. C'est sûr, c'est facile à dire là, d'une perspective extérieure, mais quand c'est des gens qui nous touchent, avec lesquels on a un lien émotionnel, des fois c'est plus difficile. Bon, par rapport à la situation, j'ai observé le comportement de ma mère et, dans le fond, à travers elle, j'ai réalisé que, à quelque part, puis moi-même, ça m'a déstabilisé un peu parce que je la voyais préoccupée par ma grand-mère, mais moi, en tant qu'individu, qu'elle soit déstabilisée ou pas par rapport à la nouvelle qu'elle était hospitalisée, l'important pour moi, c'était de profiter du moment présent puis du voyage, puis de me ramener à ça. Donc, en la voyant aller, ça pouvait tendre à me sortir de cet état-là, mais de me ramener dans un état de présence à qu'est-ce qui est. Donc, quand j'ai été me baigner dans l'eau à Sainte-Luce, à être là. Mais dans la situation présente, c'est sûr que je suis conscient que ma grand-mère peut décéder à tout moment. Plus c'est sûr que rendu à 99 ans est très avancé en âge, fait que ça devient de plus en plus probable. Mais la particularité de l'événement, c'est que par rapport à un voyage significatif, parce que ça fait au-dessus de 10 ans que je ne l'ai pas amené en voyage, ma mère. Là, quand que je parle de voyage, c'est plusieurs heures de route, parce qu'entre Québec et Sainte-Luce, on parle d'environ 3h30 de route. Donc, je fais jamais de voyage d'une telle envergure avec ma mère. Et lorsque j'en fais un, il y a une situation de tension qui arrive au même moment. Disons que c'est un concours de circonstances particuliers. Et ça m'a fait penser à il y a plusieurs années. Il était prévu depuis plusieurs semaines que j'ai un voyage là, à Laval. Et le jour qui précède mon voyage, Eh bien, j'ai un accident d'automobile. En fait, il y a une auto qui va rentrer dans le derrière de ma voiture. Je n'ai pas été blessé, là. Il y a eu tout simplement des dégâts à mon véhicule. Mais la particularité, c'est que cet accident-là, significatif, parce que des accidents d'auto, j'en ai pas à tous les jours, se déroule à une journée avant celui que je parte en voyage. Fait que soit que le lendemain, donc un voyage qui était significatif pour moi, là, de plusieurs heures de route, soit que j'ai peur de reprendre le véhicule automobile parce que j'ai eu un accident, donc chat échaudé craint l'eau chaude, ou je prends pareil l'automobile pour faire mon voyage, c'est ce qui a été fait. C'était lors de l'année 2012, lors de l'été 2012 pour être plus précis, et j'ai fait mon voyage par la suite à Laval. J'avais même assisté à une conférence de Daniel Ménard, j'avais trouvé très intéressant. Donc le voyage s'est très bien déroulé, sauf que la nature de l'événement, un jour avant le voyage significatif, pour moi c'était comme un test de réalité intéressant pour voir est-ce que je reste à terre. Puis je vais plus prendre l'auto le reste de ma vie, puis je me morfonds, ou au contraire, je confronte rapidement ma peur pour me remettre en action. Chose que j'ai faite. Là, la particularité par rapport au voyage familial avec ma mère significatif de cette année, c'est que c'est la journée où ce qu'on apprend que ma grand-mère est hospitalisée. Là, j'ai profité pareil du voyage. J'ai vu que ça a affecté ma mère, mais moi. Des fois, c'est intéressant de s'observer comment on se comporte par rapport à la nature d'une nouvelle. Tu sais, ma grand-mère qui est en CHSLD tombe par la suite en hospitalisation. C'est sûr que si j'avais appris qu'il fallait qu'on retourne rapidement là, à Québec, à son chevet, parce lui restait à peine quelques heures à vivre, puis sa situation se dégradait, je serais retourné, mais l'infirmière avec laquelle on avait parlé au téléphone, vers 9 h du matin, elle dit non, non, faites votre voyage, on n'en est pas là, là. C'est tout simplement qu'elle va être hospitalisée pour avoir des soins, parce que ça faisait plusieurs jours là, qu'elle combattait le virus par elle-même. Puis à ce moment-là, ben, ça devenait comme utile là, qu'elle ait du renfort, là, comme on dit. Mais en lien avec aussi la maladie de ma grand-mère, j'ai eu à discuter avec une personne proche de moi qui faisait de l'insomnie, parce que ça lui préoccupait beaucoup le fait qu'elle est malade. Puis bon, comme étant âgée de 99 ans, cancer du poumon, ben, il y a des bonnes possibilités qu'elle en meure, là, naturellement. Bon, ça l'empêchait de dormir. Et là, j'ai une conversation avec elle. J'ai posé la question, est-ce que le fait que tu t'empêches de dormir et que tu vis du stress, ça favorise la santé de ma grand-mère? Elle m'a répondu non. Ensuite, est-ce que ça favorise ta santé pour aider ma grand-mère et être à son chevet? La réponse, c'est non. Là, après ça, je pose la question, mais pourquoi que tu t'empêches de dormir et tu vis de l'anxiété avec ça? Donc, des fois, en posant des simples questions, ça permet de voir le comportement, s'il est logique ou pas. Donc, la personne proche de moi, que ça l'amenait à vivre de l'insomnie, le fait que ma grand-mère pouvait mourir du virus, ça la préoccupait beaucoup. Et ça aurait pu être d'autres choses. Mais c'est toujours de se poser la question, est-ce que ça aide concrètement la personne concernée? Est-ce que ça nous aide? Non. Bon, mais si ça sert à personne, pourquoi continuer le comportement? Souvent, ce qui arrive, c'est que c'est en lien avec le fait que la personne est soumise à un état de peur. Et pour mettre fin à ça, ben, il faut entrer dans une espèce de combativité psychique pour monter en vibration puis être au-delà de la peur. Et l'une des façons d'y arriver, c'est d'être dans un état vibratoire plus élevé, c'est-à-dire un état de colère mentale. Donc, c'est sûr qu'avec le recul, je regardais cette personne-là qui était dévitalisée par l'anxiété, la peur liée à la possibilité que ma grand-mère meure bientôt. Mais pour moi, c'est facile d'observer ça d'une manière extérieure. Mais moi, je peux être récupéré par d'autres choses qui m'amènent à vibrer à la peur et l'anxiété. Donc, il faut être sensible par rapport à soi. C'est sûr que des gens qui vont écouter l'enregistrement à présent vont dire, ben, regardez, là, étant âgé de 99 ans, c'est sûr qu'il y a des bonnes possibilités qu'elle meure là, dans les prochains jours. Là, t'sais, quand on regarde ça avec le recul extérieur, compte tenu de l'espérance de vie, donc c'est totalement logique. Sauf que le point que je veux faire aussi par rapport à ma grand-mère, c'est qu'au fil du temps, j'ai observé que sa volonté de vivre est très puissante. Dans le sens que la deuxième fois qu'elle a passé à travers le virus, bon, ben, ma compagne était sur le point d'accoucher, elle voulait voir ma fille. Bon, ben, ça lui donnait une motivation. Par la suite, une fois qu'elle était revenue du virus, bon, mon frère, il a aussi une fille, donc voir les deux arrière-petits-enfants, ça peut participer à la volonté de vivre. Donc, quand une personne a des buts, elle a des objectifs, ça peut faire en sorte qu'elle vive davantage. Et au fil du temps, j'en suis venu à la conclusion aussi que ce qui donne du sens en la vie, c'est beaucoup l'aspect relationnel. Et là, la personne auquel je fais allusion, ma grand-mère, est du signe de la balance. Le signe de la balance, c'est le signe de l'harmonie avec les autres, les gens qui aiment beaucoup le relationnel. Moi, je suis Verseau, ascendant balance, j'ai cette dimension-là aussi en termes de programmation astrologique. Mais je sais que c'est vrai aussi pour beaucoup de personnes. La dimension relationnelle, les liens significatifs qu'on peut avoir à d'autres personnes et la volonté de vivre. Et souvent, ça passe à travers la famille. Ou ça peut être la volonté d'accomplir quelque chose de particulier. Mais la volonté a beaucoup d'impact. Elle, ma grand-mère, elle croit en Dieu. C'est sûr que si la personne croit fermement que Dieu est là pour l'aider, la supporter, bien, il est possible que par une forme d'effet placebo particulier, ça favorise sa santé, à la différence que l'autre personne qui ne va pas adhérer à la croyance à Dieu ou qui n'a pas d'individu significatif dans sa vie. D'ailleurs, il y a des gens qui vont mourir, et j'avais discuté de ça avec plusieurs reprises avec des personnes de mon entourage, suite au décès de leur conjoint ou conjointe. Donc, il y a des personnes âgées qui, lorsque leur mari ou leur conjointe décède, quelques mois à peine après, vont se mettre à mourir. Pourquoi? Ben, parce que si l'individu qui était significatif dans leur vie n'est plus là, il y en a qui vont perdre leur raison de vie puis ils vont se laisser dépérir. Ils vont être déprimés. Ça peut amener un affaiblissement de leur système immunitaire aussi. Donc, ça peut avoir de l'impact. C'est intéressant à regarder et étudier comme phénomène. Sinon, bien, c'est sûr que dans notre vie, on a à composer avec l'incertitude. On peut partir en voyage, puis ça se peut que pendant le voyage, quelqu'un de proche de nous meure ou pas. Et là, c'est sûr que par rapport au voyage, quoique ma grand-mère, en tant que telle, l'infirmière ne disait pas qu'elle était à l'article de la mort, là, mais bon, elle était rendue hospitalisée, c'est parce que son état de santé n'était pas bien. Là. C'est sûr que ça peut nous amener à réfléchir, à savoir est-ce qu'elle va mourir ou non pendant le voyage. Là, tomber dans des jeux de réflexion extrêmement énergivores. Mais ça apporte rien. Il faut être capable de se recentrer. Le défi par rapport au voyage, bien, c'était de regarder maman qui était préoccupée par ma grand-mère qui était malade en particulier, puis d'être capable d'apprécier, d'être présent. Quand j'ai été me baigner à Sainte-Luce, de me tremper les pieds dans l'eau, puis être totalement là, c'est de l'eau froide. Donc, ça amène la sécrétion d'endorphine, qui est une hormone qui amène un état de bonheur, un état de bien-être. Donc, d'avoir les pieds trempés dans l'eau froide, là, vous pouvez faire ça chez vous, là, dans votre bain, là, vous n'êtes pas obligé de parcourir plusieurs heures de route pour aller à une plage. Bon, bien, c'est quelque chose qui peut se faire de tout simple et qui amène un état agréable. Et en passant, s'il y a des gens qui veulent aller à Sainte-Luce, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'aujourd'hui, là, ils sont rendus avec un système de stationnement payant. Donc, les stationnements qui autrefois étaient gratuits là, sur le bord de l'eau, là, il y en avait plusieurs. Bon, ben là, il faut rentrer dans un appareil, le numéro de plaque, et puis là, ça coûtait en 2023, là, c'est 1$ par demi-heure, ce qui revient à 2$ de l'heure, entre 9h et 17h. Donc, le stationnement public. Là. Donc, ça a été un petit peu l'irritant. Là. Avant, c'était gratuit, là, c'est payant. Mais bon, Ça fait partie de la vie. Dans un autre ordre d'idée, je voulais profiter de l'enregistrement d'aujourd'hui pour vous faire une suggestion. Suggestion de séries télévisées à visionner. Donc, s'il y a des cinéphiles parmi vous, la suggestion, c'est par rapport à la série qui s'appelle Manifeste en anglais ou Turbulence en français québécois. Donc, c'est une télésérie de plusieurs saisons que vous pouvez retrouver sur Netflix. Pourquoi que je vous la propose? Bien, j'ai commencé à l'écouter il y a quelques jours et je dévore là, littéralement là, les différents épisodes. Là, donc, je les trouve très intéressants. Et par rapport à cette télésérie, il y a des concepts métaphysiques qui sont abordés, là, qui sont dignes d'intérêt. Donc, le synopsis par rapport à la télésérie, c'est celui-ci. Donc, un jour d'avril 2013, le vol 828 de la Montego Air reliant la Jamaïque à New York connaît une brève période de forte turbulence. Quand ils atterrissent, les passagers et les membres de l'équipage apprennent de la part de la NASA que plus de 5 ans et demi se sont écoulés, période au cours de laquelle ils ont été présumés morts. Alors qu'ils se réinsèrent dans la société, les passagers commencent à se rendre compte de leur vie et leurs proches ne sont plus comme avant et commencent également à faire l'expérience de voies directives et d'hallucinations. Donc, je viens de lire le synopsis tiré de l'encyclopédie en ligne de Wikipédia. Donc, le scénario est particulier. Les gens prennent l'avion. L'avion disparaît pendant 5 ans. Ensuite, l'avion réapparaît. Et il s'est passé quelque chose. Suite à cet événement choc, les gens ont des capacités psychiques. Et pour les gens qui, dans le fond, veulent être divertis, parce qu'il y a des très bonnes intrigues dans la télésérie, c'est captivant. Donc, vous avez tout ça là, sur Netflix pour les gens qui sont abonnés comme moi. Des concepts très intéressants sont abordés. Et il est question que tous les gens sont liés. Donc, c'est un concept fondamental qui rejoint ma vision du monde qui est moniste. Donc, une vision unitaire du monde. Il y a une seule réalité, un seul choix quantique qui englobe tout. Et c'est un message qui revient souvent là, dans la télésérie. Et là, vous allez pouvoir entendre probablement dans les prochaines secondes ma petite fille qui s'est rapprochée de moi. Eh oui, ma compagne l'a mis dans le parc à côté de moi. Vous allez peut-être l'entendre au micro. Mais pour en revenir à la série, c'est que les personnages principaux vivent des appels intérieurs. Ils entendent des voix, donc certains vont dire des hallucinations visuelles auditives. Sauf que le point, c'est qu'il y a une cohérence derrière ça. Donc, à un moment donné, il y en a une qui est enquêtrice policière. Ça lui dit intérieurement que d'aller vérifier un endroit, puis finalement, il y a deux personnes qui ont été enlevées qui sont là. Mais c'est parce qu'elle a suivi sa voix intérieure qui lui a donné l'information. Et le pont qui peut être fait entre la télésérie et la réalité du monde dans lequel on se trouve sur le plan métaphysique, c'est que tout est interrelié dans les faits. Et là, ce qui est intéressant, c'est le questionnement que vivent certains personnages. Il y en a une qui est scientifique, elle travaille à l'hôpital et elle a des hallucinations visuelles qu'elle interprète. Elle a des visions par rapport à un ange, une statue angélique et elle fait un scan du cerveau et elle se rend compte que dans son cerveau, les mêmes zones qu'une personne qui est atteinte de schizophrénie sont activées. Donc techniquement, elle est schizophrène, sauf que la vision qu'elle a de la statue à caractère angélique, une autre personne l'a simultanément, puis ça a un sens particulier dans la télésérie. Donc, tout ça nous ramène au questionnement que la personne peut vivre dans la réalité, dans le sens qu'elle vit certains événements où elle a des intuitions, elle a des idées, sauf qu'une connexion avec le tout qui est là et qui n'est pas nécessairement seule à avoir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à travers un scénario captivant. On aborde des concepts métaphysiques qui, à mon sens, ont un certain fondement. Et les capacités psychiques que les êtres humains peuvent vivre suite à un événement choc qui les transforme. Donc, c'est que si c'est des passagers d'un vol d'avion, donc l'événement perturbateur qui les change, qui les modifie, c'est le fait que, à quelque part, l'avion disparaît pendant 5 ans, puis par la suite, lorsque l'avion réapparaît, eh bien, le monde dans lequel ils se trouvent sont changés, parce que 5 ans de temps s'est écoulé. Mais eux autres aussi ont été changés, malgré eux, sans l'avoir choisi, sans l'avoir décidé. Un peu comme quelqu'un qui vit la fusion avec l'esprit que ça lui est imposé. Et là, ces gens-là découvrent progressivement, petit à petit, qu'ils vivent des appels intérieurs, qui ont des visions communes, qui entendent des voix, qui ont des visions aussi, qui ont la capacité de se connecter entre eux. Il y a le cas d'un jeune enfant où il est connecté psychiquement avec un autre passager. Donc, la connexion corps-esprit qui est abordée et le concept qu'elle a fait que chaque individu est comparable à un ordinateur et dont ses capacités peuvent être multipliées s'il travaille en réseau, un peu comme la personne qui travaille en contact avec Internet. Ben, puis d'en tirer profit de tout ça est abordé dans la série. Donc, ça devient intéressant, parce que dans le sens que si la personne bénéficie de l'intelligence des autres ou est capable de se relier à d'autres personnes qui ont de l'intelligence, bon, ben ça amène un accroissement de ses capacités en bénéficiant de l'intelligence du réseau. Un peu ce que l'être humain pourrait faire à l'époque actuelle par rapport au réseau Internet, dans le sens que si tous les peuples présentement sont capables de travailler, non pas en compétition, mais en collaboration, pour régler les problèmes fondamentaux, famine dans le monde, ou dans certains endroits, des problèmes de guerre, etc., puis l'intelligence des gens est mobilisée par rapport à ça, puis des gens travaillent en synergie un peu partout, bon, ben, ça amène un développement plus rapide de la science. Quelqu'un au Québec travaille sur le plan scientifique avec une autre personne en Chine ou également une autre en Inde simultanément. Par-delà, parce que la technologie abolit le réseau, la frontière de l'espace et du temps, dans le sens que quelqu'un au Québec peut travailler en collaboration avec une autre personne en Inde. Bon, ben, la frontière de l'espace est abolie parce qu'en dépit des longues distances qui séparent ces deux personnes-là, via le réseau qui leur permet de se connecter, ils peuvent travailler ensemble. Puis la frontière du temps, dans le sens que ils sont dans des fuseaux horaires différents. Donc, il y en a un qui il peut travailler pendant le jour, puis l'autre pendant la nuit, pendant qu'il dort. Bon, ben, ils peuvent fonctionner pareil. Donc, mais le réseau de ce que je vais appeler l'Internet psychique, Ce que Rupert Sheldrake appellerait, dans le fond, le champ morphique, ben, pour moi, c'est une réalité. Et cette télésérie donc, va présenter des concepts métaphysiques fondamentaux. Puis c'est en lien avec l'éveil de certaines capacités que vivent les passagers du vol qu'on voit au fil des épisodes, qui créent des intrigues. Donc c'est très intéressant à visionner. Et qui nous ramène à la réalité fondamentale que nous sommes tous reliés, tous interconnectés. Et sinon, comme suggestion à Netflix, il y a le documentaire que j'ai écouté récemment qui s'intitule « Du poison au menu ». Et c'est un documentaire en lien avec les intoxications alimentaires qui sont faites aux États-Unis. Bon, il a été question... De l'intoxication à la bactérie E. coli qui avait eu cours dans les années 1990 par rapport à des hamburgers là, qui avaient été, entre autres, insuffisamment cuits dans un restaurant rapide, un fast-food. Donc, ça a été servi à des gens, des boulettes d'hamburger pas assez cuits et les gens sont tombés malades. Et dans certains cas, naturellement, là, il y avait le cas là, d'un père... D'un enfant qui est mort de tout ça. Donc, ça peut aller jusqu'à entraîner la mort. Et la particularité du documentaire, c'est que ça m'a amené sur une piste auquel je n'avais pas pensé. Parce que c'est sûr que depuis des années, je savais qu'il était important de bien cuire les hamburgers pour éviter qu'il y ait, dans le fond, une bactérie dedans là, qu'on attrape et que ça amène des problèmes de santé. comme la bactérie E. coli. Ça, je le savais déjà. Par contre, la particularité du documentaire, c'est que ça m'a allumé sur le fait que tout est interrelié. Je pense que ça va être le message fondamental de mon enregistrement. Parce que les gens, dans certains cas, peuvent attraper aussi la bactérie E. coli dans la laitue romaine. Donc, les gens vont dire, ah, on va manger de la salade ou des légumes feuilles, puis ça va être santé. À différence des céréales sucrées, à différence de la viande, à différence du poulet, où il peut y avoir de la contamination salmonelle. Sauf que le point, c'est que la personne peut aussi attraper la bactérie E. coli en mangeant de la salade. Ça a été le cas aux États-Unis. Une personne qui a été gravement hospitalisée là, par rapport à ça, là, a développé même des problèmes. Les reins ont été attaqués. Pourquoi que la bactérie E. coli s'est ramassée dans la salade? Eh bien, la raison est simple. C'est que par rapport aux fermes, pardon, d'élevage aux États-Unis, où sont engraissés les bœufs qui par la suite vont être tués là, pour faire le steak haché, il y en a certains parmi eux qui sont contaminés avec la bactérie E. coli. Or, la bactérie E. coli qui est dans les intestins de ces ruminants va se ramasser par la suite dans leurs excréments. Or, leurs excréments vont par la suite tomber sur le sol. Donc, si c'est des fermes d'engraissement massives, et à un moment donné, ils vont se ramasser dans des conduits avec de l'eau. Et l'eau, qui va former une forme de lisier, va être utilisée par la suite pour engraisser le sol et arroser aussi les champs où est cultivée de la lutture romaine aux États-Unis. Donc, il y avait des fermes d'engraissage, puis. Ensuite, quelques mètres proches des lieux où le fumier était utilisé pour, pour faire pousser de la laitue. Donc, tout ça pour dire que, dans le fond, le fumier qui était contaminé avec la bactérie E. coli, c'est sûr que si l'eau, le fumier en tant que tel, étant expulsé sur des végétaux, donc de la laitue, bien, ça pouvait contaminer aussi la laitue et la bactérie E. coli qu'on pouvait retrouver dans les intestins de ruminants. Et là, les gens qui mangent la laitue deviennent par la suite, s'ils ne la nettoient pas adéquatement, là, avec de l'eau, contaminés par la bactérie E. coli et ça peut aussi entraîner leur mort. Donc, tout ça pour dire que tout est interrelié et qu'à quelque part, il faut avoir une vision systémique du monde à plusieurs niveaux. Et être vigilant aussi. Donc, c'est bien d'être vigilant pour bien faire cuire la viande pour empêcher d'être contaminé par ce que certains appellent la maladie du hamburger, là, la bactérie E. coli. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que par rapport à un hamburger, l'hamburger peut être fait de plusieurs morceaux de steak haché. Vous pouvez entendre ma fille bébiller derrière moi, là, si vous êtes sensible au détail, parce que dans le fond, elle me regarde là, en train de faire mon enregistrement dans le parc. Bon, je me reconcentre. Donc, c'est ça, c'est qu'un hamburger peut être composé, dans la vidéo, il était question de 400 morceaux de différents bœufs, là. Fait que c'est sûr que s'il y en a un dans l'eau qui est contaminé avec la bactérie E. coli, bien, il peut tout contaminer le reste de la viande. Parce qu'un hamburger, c'est fait de différentes découpures de viande. Et ce qui peut arriver aussi, c'est que même par rapport à une pièce de viande qui n'est pas mélangée avec d'autres, parce que si on mélange différentes pièces de viande ensemble, ça occasionne un risque de contamination croisée qui multiplie les risques d'attraper la bactérie E. coli. Même si c'est un morceau de viande qui est tout seul, il peut avoir un risque pareil, puis qui n'est pas en contact avec d'autres morceaux de viande qui sont contaminés par la bactérie E. coli, étant donné que si, par exemple, dans le fond, la personne qui va couper le morceau de viande, qu'elle découpe, accroche malencontreusement l'intestin, donne un coup de couteau dans l'intestin, puis dans l'intestin du bœuf, il y a la bactérie E. coli, bon, ben, par la suite, il reprend le même couteau, puis il découpe un morceau. Du bœuf, bon, ben, il peut le contaminer avec la bactérie E. coli. Donc, il y a un risque de contamination aussi interne, même si une viande n'est pas en contact avec d'autres. Mais pour en revenir au sujet de base de mon enregistrement, c'est que tout est interrelié, et c'est une des raisons, entre autres, pour laquelle, une fois de temps en temps, je fais des sessions de bénédiction dans mes enregistrements. Donc, si je suis connecté avec le tout, pourquoi pas en tirer profit? Donc, une des raisons qui fait en sorte que on peut utiliser notre intention pour influencer le tout, au même titre qu'on est influencé par lui. C'est sûr qu'à quelque part dans notre vie, il faut être capable d'accepter qu'on ne contrôle pas tout, là, naturellement. Mais pourquoi pas utiliser la marge de pouvoir d'agir qu'on a à notre avantage? Donc, on peut bénir notre santé physique, émotionnelle et mentale. Bénir notre lucidité. Bénir notre compréhension du système. Bénir notre état vibratoire. Bénir notre capacité de profiter de la vie, du soleil, notre capacité d'être heureux pour rien. On peut bénir aussi des gens de notre entourage, comme présentement je bénis la croissance saine de ma jeune fille, sa santé, le développement de ses potentialités, de son intelligence. Et quand on bénit quelqu'un d'autre, idéalement, c'est de se rappeler que l'autre, au sens absolu, n'est qu'une partie de nous-mêmes dans le sens qu'on est tous interreliés et qu'il n'y a une seule chose dans l'univers. Et de faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on nous fasse. Donc, si ma grand-mère veut vivre et je bénis sa santé, est-ce que c'est souhaitable à mon échelle que ma santé soit bénie? Si la réponse est oui, bon, ben, pourquoi pas le faire? Parce que tout peut nous revenir à un certain niveau. Comme on est interrelié avec le tout, ben, on peut avoir des réverbérations vibratoires ou occultes, des ajustements qu'on a. Donc, si on bénit, on agit en fonction de choses qui sont souhaitables pour soi, bien, ça peut être intéressant. Et comme bénédiction, bien, je peux bénir le fonctionnement adéquat de mes différents organes de mon corps, les poumons, le cerveau, le cœur, les reins, la gorge, ma capacité de communication, ma masse musculaire, bénir, c'est amplifié. Donc, dans mon cas, je voulais être un peu plus musclé. Fait que c'est sûr, je peux m'entraîner davantage sur le plan physique, mais je peux bénir aussi ma masse musculaire pour qu'elle augmente. Mais surtout, ce que je vais bénir, c'est la paix de mon esprit. Donc, bénir ma capacité d'être dans un état psychique pacifié. En dépit de tout ce qui peut arriver, donc peut-être dans quelques jours, ma grand-mère va continuer à vivre, soit que, comme j'expliquais à ma mère, soit qu'elle passe, ma grand-mère, ou elle trépasse. Nous, on est dans un point de tension parce qu'elle est hospitalisée à l'hôpital. Donc, soit sa santé va se rétablir ou elle va mourir. Mais ce que j'ai à faire dans tous les cas, c'est d'accepter ce qui est. C'est sûr qu'en tant qu'ego, elle est rendue à 99 ans et dans environ 2 mois, elle va être rendue à 100 ans. Fait que c'est sûr qu'en tant qu'ego, j'aimerais qu'elle vive encore pour se rendre à 100 ans parce que sa mère, elle s'est rendue à 99 ans et 11 mois et sa sœur, 99 ans et quelques mois. Là, je me suis dit pourquoi pas, à la différence de ces deux personnes qui ont quand même vécu longtemps, qu'elle se rende à 100 ans. Donc, pour aller un peu plus loin. Ça y appartient. Là, si elle va se rendre ou non à 100 ans là, dans l'absolu. Mais en même temps, ben, si elle veut continuer à vivre, pourquoi pas la supporter dans son mouvement en la bénissant. Donc, vous êtes également bienvenue pour la bénir en ce moment fatidique. Et sur ces considérations, bien écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.